Fadjet, c'est l'été en Lorraine. C'est les vacances. Nous sommes allés au SN Aviron Nancy à la rencontre de Léo Ronchard, qui est responsable sportif de ce club. Et il nous a fait une petite visite guidée des locaux du club, en commençant par la salle de musculation. Ça permet de bien s'entraîner, on a du matériel de qualité. Et vu que l'aviron c'est un sport complet, ça permet vraiment de travailler tous les muscles du corps, de la tête aux pieds, quoi. Voilà, c'est vraiment l'objectif, parce que lorsqu'on est en bateau, on va développer ses jambes sur toute l'amplitude et ses bras sur toute l'amplitude. Donc voilà, donc assez simple, des développés couchés, tous les ateliers de tirage, de presse, de squat. Donc on a environ 400 adhérents au club, donc qui sont répartis dans plusieurs catégories. On a une catégorie donc aviron loisir, on a une section indoor et on a une section compétition. La section loisirs et indoor sont à peu près équilibrés à 150 adhérents par section. Et la section indoor, comporte 100 adhérents, donc qui pratiquent uniquement l'aviron en intérieur sur des rameurs. Donc je vous présenterai la salle des rameurs ensuite. Donc là ici on a un tanker ramé. Donc c'est un bassin intérieur. On l'appelle familièrement notre petite piscine, je vous laisse rentrer. C'est un bassin intérieur qui est ventilé et qui permet de reproduire le mouvement de l'aviron. En salle, qu'on utilise tout au long de l'année. Voilà, donc je vais vous présenter la suite du bâtiment. Donc il faut savoir qu'en fait dans le sport nautique de Nancy, dans les bâtiments du club d'aviron, on héberge une autre structure, une autre entité qui est en fait le Pôle France d'aviron. Donc c'est un centre d'entraînement pour une vingtaine d'athlètes internationaux qui du coup utilisent cet espace. Dans un objectif d'accession au niveau ou pour leur permettre leur entraînement en vue des préparations des championnats d'Europe, du monde et des sélections pour ces championnats. Et donc ici on est dans la salle des rameurs, donc qui est utilisée par toutes nos catégories, qui permet en fait de pratiquer l'aviron indoor. On possède une quarantaine de rameurs, donc ça permet quand même d'accueillir un public assez large. Et c'est un outil qui est très accessible, donc plutôt positif. Bon, on va quand même plutôt se diriger vers l'extérieur, étant donné qu'on a un sport d'extérieur à l'initial. Oui, donc on a un foyer, une salle qui fait office de foyer, de salle de réunion. Et également un rooftop. Qui nous permettent alors à la fois de pratiquer mais également d'accueillir du public sur des festivités ou plutôt sur des festivités, voilà, barbecue, etc. Ça c'est plutôt un cadre agréable. Donc on va emprunter l'escalier de secours. Voilà. Et donc je vais vous présenter les bateaux. En fait, on possède environ 170 embarcations dans le club d'aviron qui vont du bateau individuel, donc pour un seul rameur, jusqu'au bateau collectif à 9 rameurs. On possède également donc des bateaux d'initiation et des bateaux de compétition. L'avantage en aviron, c'est que les bateaux d'initiation sont déjà sur l'eau. Voilà, on peut les voir, c'est les bateaux verts qui sont au milieu du plan d'eau et qui permettent en fait d'avoir aucune manutention du matériel lorsqu'on découvre la discipline. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Donc dans les hangars qui sont assez vastes, qui sont finalement l'ancienne halle au cochon. Voilà, si on est dans des bâtiments qui sont classés. Donc en fait, on a disposé notre matériel et on a tous nos bateaux, donc du 4 au 8. Pour une valeur quand même qui est assez importante parce qu'on est on frôle le million d'euros en termes de matériel entreposé dans les locaux, sans parler du bâtiment. Alors si cette visite elle vous a donné envie d'en apprendre plus sur le club ainsi que sur la pratique de l'aviron, eh bien rendez-vous sur le site avironnancy.com.